Chapitre 15e. Le colonel était bouleversé. Ah, pourquoi avait-il eu la mauvaise idée de revenir? Si elle devait souffrir de ces paroles de son mari, combien plus encore, en sachant qu'elles étaient entendues par lui, quelle humiliation pour elle, quelle honte! Puis, de la marquise, sa pensée alla au marquis, de la femme au mari. Quel homme! Décidément, ce n'était point l'élégant mannequin qu'il avait cru au premier abord. L'être nul, incapable du bien comme du mal, qu'il s'était sottement imaginé bien connaître et bien juger. Un abîme venait de s'offrir devant ses yeux, quel en était le fond. Son esprit violemment surexcité sauta encore à un autre ordre d'idées. Eh bien, tant mieux, après tout, si tel était le mari, elle en aimerait davantage l'amant. Il n'avait jamais été une minute jaloux de ce mari, mais enfin, il avait cru qu'elle pouvait avoir de la sympathie pour lui, de l'estime, même de l'amitié. Mais non, elle ne pouvait, elle qui le connaissait bien, avoir que du mépris et du dégoût. Par là, leur union deviendrait nécessairement plus étroite. Ce serait dans ses bras que, blessée et endolorie, elle se réfugierait. Il allait ainsi d'une idée à une autre, brusquement, par sauts, selon les paroles de M. de Lucilière. Lorsque celui-ci eut signifié que les 222 000 francs devaient être payés, pour ainsi dire, immédiatement, le colonel eut la pensée d'ouvrir doucement la porte du cabinet de toilette qui communiqua avec le corridor, de sortir sans bruit, de courir chez ses banquiers, et d'envoyer immédiatement un de leurs commis payer la note de Faugerolles. Quelle surprise pour Henriette et quel soulagement! Mais la réflexion lui montra aussitôt que ce projet était fou et tout aussi maladroitement trouvé que l'avait été le prétexte de Saint-Cloud. Pouvait-il dire à ses banquiers qu'il désirait payer la note de Madame la marquise de Lucilière? N'était-ce pas avouer leur relation? Les avouer aux banquiers, aux employés de ceux-ci, à Faugerolles lui-même? Sans doute, et il pouvait aller payer cette note en personne et se passer ainsi de l'entremise des banquiers. Mais Faugerolles restait toujours. « Je viens vous payer la note de Madame la marquise de Lucilière avec l'argent que celle-ci m'a remis à cet effet. » Cela était bon à dire, mais le faire croire. Jamais le costumier n'ajouterait foi à une pareille invention. Il pourrait parler, il parlerait sûrement. Que ferait le marquis, averti, éclairé? De quoi ne serait-il pas capable? On pouvait tout attendre de lui, l'impossible, l'invraisemblable, le monstrueux. La porte par laquelle le marquis était sorti était fermée depuis quelques instants déjà, qu'il ne s'était encore arrêté à rien, hésitant, perplexe. Il n'osait même rentrer auprès de la marquise. Il demeura ainsi assez longtemps, attendant qu'elle vînt elle-même dans le cabinet de toilette. Enfin, ne la voyant pas venir, il se décida à entrer dans la chambre. Elle était dans le fauteuil où il l'avait laissée, mais la tête cachée entre les mains, de sorte qu'il ne voyait pas son visage, incliné en avant. Alors il s'approcha d'elle doucement, à petits pas, puis, arrivé auprès de son fauteuil, il s'arrêta et attendit. Elle ne releva pas la tête et n'abaissa pas ses mains. D'une voix tendrie, il prononça son nom à plusieurs reprises. « Henriette, chère Henriette !» Vivement, elle écarta ses mains et le regarda avec un visage rouge de honte aux traits convulsés. « Allez-vous-en, je vous en prie, que je ne vous vois pas. Plus tard, pas en ce moment. Pourquoi êtes-vous revenu ?» Il demeura indécis. « Épargnez-moi la honte de rougir devant vous, » continua-t-elle. « Je vous en prie, allez-vous-en. Plus tard, plus tard. » Il était lui-même trop mal à l'aise pour ne pas comprendre ce sentiment de honte. Cependant, avant de se retirer, il lui prit la main et la serra dans une étreinte passionnée, mais en détournant les yeux. « À demain, » dit-il. « Oui, demain, un autre jour. » Mais comme il avait fait quelques pas du côté de la porte, elle le rappela. « Édouard !» Il s'arrêta. « Eh bien non !» s'écria-t-elle. « Ne partez pas, ne m'abandonnez pas !» Puis, de la main, l'appelant près d'elle, elle lui jeta les bras autour du cou. « Embrasse-moi » dit-elle désespérément. « Mais embrasse-moi donc, fais-moi oublier !» Mais presque aussitôt le repoussant, « Ne me regardez pas ainsi » dit-elle. Et appuyant son front contre lui, elle se cacha la tête. Ils restèrent dans cette position pendant quelques minutes, qui furent terriblement longues pour le colonel, qui sentait très bien que maintenant il fallait parler, et qui précisément ne savait que dire. Enfin, il se pencha vers elle, et lui parlant à l'oreille, à voix basse, doucement, comme s'il s'était adressé à un enfant accablé par une grande douleur, il lui dit par quelles émotions il avait passé en écoutant le marquis. puis il dit aussi les différentes idées qui avaient traversé son esprit. « Vous auriez voulu payer vous-même la note de Faugerolles ? » s'écria-t-elle en relevant la tête. « Mais alors, vous voulez donc que tout Paris sache demain que je suis votre maîtresse ? Oh ! Le mot vous blesse. Croyez-vous que c'était celui-là que le monde eût employé en parlant d'une femme qui aurait fait payer ses dettes par son amant ? J'ai reculé devant mon moyen. Vous n'auriez pas dû y penser une seconde. Cependant, je persiste plus que jamais dans l'idée qui me l'avait inspirée. » Elle le regarda comme si elle ne comprenait pas. « Je veux dire, continua-t-il, qu'il ne faut pas que vous restiez exposé aux menaces qui viennent de vous être adressées, et que pour cela, il n'y a qu'une chose à faire, payez Faugerolles, payez votre bijoutier, payez tous ceux à qui vous pouvez devoir. Hélas, oui, ce serait ce qu'il faudrait, et ce que je voudrais. Ne croyez pas que je parle ainsi pour la vaine satisfaction de vous donner un bon conseil. Je ne suis pas donneur de conseils théoriques. Si je vous indique ce qu'il faut faire, c'est qu'à côté je puis vous dire comment vous pourrez faire. Édouard, dit-elle. Mais il parut ne pas comprendre ce qu'il y avait dans cet appel, que l'accent avec lequel il avait été prononcé, que le coup d'œil qui l'accompagnait, plein de prières et de fierté tout à la fois, rendait cependant parfaitement intelligible. Veillez sur vos paroles, disait la fierté. Épargnez-moi, disait la prière. Il continua. Avant d'aller plus loin, un mot, je vous prie, et une réponse franche, telle qu'elle doit sortir de votre bouche. Voici ma question. Madame de Courcy est-elle en état de vous fournir présentement les sommes dont vous avez besoin et croyez-vous pouvoir les lui demander ? Elle hésita un moment. Du regard, il insista. « Je pourrais demander ces sommes à ma mère, dit-elle enfin, et c'est même à elle seule que je pourrais m'adresser. Cependant, je ne le ferai pas, car je sais que ma mère serait en ce moment, même en se gênant, même en empruntant, dans l'impossibilité absolue de me prêter les sommes qui me sont indispensables. J'ai déjà eu recours à elle et je l'ai épuisée. Ce n'est donc pas à elle que je m'adresserai. Maintenant, voulez-vous me permettre de vous demander encore si, depuis que vous êtes placé sous le coup de cette brutale exigence, il ne s'est pas présenté le nom d'une personne à laquelle vous pourriez demander ce prêt ? Édouard, je vous en prie, répondez-moi. Eh bien, non. Ainsi, l'idée ne vous est pas venue qu'il y avait près de vous un ami, qui serait le plus heureux homme du monde, si vous lui donniez ce témoignage d'estime, de confiance et de tendresse, de vous adresser à lui, si vous lui donniez cette joie, de ne pas attendre qu'il vous propose ce faible service. Il y a en effet près de moi un homme à qui je n'aurais pas hésité à demander ce service, s'il avait toujours été pour moi ce qu'il était il y a quelques mois, c'est-à-dire un ami, rien qu'un ami, mais à qui je ne peux rien demander, de qui je ne puis rien recevoir, qui ne peut rien me proposer maintenant. » Il se fit un moment de silence entre eux, car ses paroles démontaient le plan du colonel. Mais bientôt il reprit. Car s'il avait une certaine timidité à aborder les situations difficiles, il avait par contre une invincible ténacité à continuer ce qu'il avait commencé. Que les chances fussent pour lui ou contre lui, il ne renonçait jamais à ce qu'il avait entrepris, et il allait même jusqu'au bout. Il avait jusqu'alors parlé sur le ton de la consolation et de la tendresse, avec de doux ménagements, mais ce ton s'affermit lorsqu'il fut question de lutte. « Vous avez voulu me fermer la bouche par vos dernières paroles, » dit-il. « J'ai voulu faire ce que je dois. Et c'est précisément parce que moi aussi, je veux faire ce que je dois, et tout ce que je dois, qu'il m'est impossible de m'incliner devant votre volonté. Mon ami, est-ce l'ami que vous vous adressez ? Alors vous n'avez qu'un langage à tenir, celui de la franchise et de l'amitié. » Il attendit un moment une réponse. Elle ne lui en fit point. Alors ce n'est pas à l'ami. Ce n'est pas au colonel Chamberlain, c'est Édouard. Précisément, c'est cela que je veux dire. C'est à Édouard que vous avez parlé. Eh bien voici quelle est la réponse de celui à qui vous vous êtes adressé. Édouard, celui que vous appeliez naguère, votre cher Édouard, naguère. Celui que vous appelez votre cher Édouard prévient à sa chère Henriette qu'il met aujourd'hui à sa disposition la somme dont elle a besoin. Pas un mot de plus où je vous cède la place. Pas un mot de refus où je vous donne ma parole que demain j'aurai quitté l'Europe et que vous ne me reverrez jamais. Vous m'aimez et vous me parlez ainsi. Vous m'aimez et c'est ainsi que vous agissez. Au-dessus de mon amour, il y a l'honneur. Votre honneur n'est point en cause et je vous jure qu'il ne sera jamais en meilleure main que les miennes. ne confondez pas l'orgueil et l'honneur. Votre orgueil, je puis le blesser, car j'ai la parole malhabile toujours, et plus encore quand je suis entraîné. Mais votre honneur, ce n'est point avec habileté qu'on juge ce qui touche à l'honneur. Je suis donc bien certain de ne pas l'outrager. Voilà pourquoi je parle librement, au risque de parler maladroitement. C'est précisément votre honneur que j'ai en vue, et aussi votre réputation, votre repos, notre amour. Comment voulez-vous que devant de tels intérêts, je puisse garder le silence, même quand vous m'en priez ? Il avait parlé avec tant de véhémence qu'il fut obligé de s'arrêter, mais ce ne fut que quelques secondes, il reprit. Qu'arrivera-t-il si vous n'accomplissez pas les conditions qui vous ont été imposées par le marquis ? Il vous l'a dit lui-même, des procès. Voulez-vous que votre nom soit prononcé devant les tribunaux, soit imprimé dans les journaux avec des commentaires plus ou moins spirituels ? Moi, je ne le veux pas. Il est vrai que je n'ai pas le droit de vouloir, si je ne suis que votre ami. Mais puisque vous repoussez l'ami, il faut bien que vous m'accordiez un autre titre, et en même temps les droits que ce titre donne. C'est en vertu de ces droits que je parle. Si je les poussais jusqu'à l'extrême, je pourrais vous demander d'accepter la somme qui vous est nécessaire. Et pour cela, je n'aurai qu'à vous rappeler vos paroles, celles que vous prononciez le jour où chez moi, me rendant mon serment, vous avez mis votre main dans la mienne. Faut-il que je les rappelle, ces paroles ? Croyez-vous que je les ai oubliées ? Eh bien, ce n'est point ainsi que j'agis. Et c'est tout simplement un prêt que j'offre à votre orgueil, puisqu'il m'est interdit de m'adresser à votre amour. Que serais-je, à vos yeux, rien qu'un débiteur ? Et il ne tiendra qu'à vous que je ne le sois pas longtemps. Le jour où vous voudrez me rembourser, vous n'aurez pas de lutte à soutenir contre moi. Ce que je réclame, ce que je désire, c'est que présentement, vous ne restiez pas dans la position affreuse où l'on vient de vous placer. Vous n'en pouvez sortir que par un emprunt. C'est vous-même qui l'avez reconnu. Cet emprunt, vous ne pouvez pas le contracter loyalement. Votre notaire vous l'a expliqué. Vous ne pouvez donc l'obtenir que d'un ami. Eh bien, je soutiens que personne d'autre que moi n'a le droit d'être cet ami. Et moi, je ne puis pas avoir l'hypocrisie de me soutenir à moi-même que vous n'êtes que mon ami. Et ne suis-je pas mille fois plus qu'un ami ? Ne suis-je pas vous ? Et en vous épargnant des luttes, des humiliations et des chagrins, n'est-ce pas à moi-même que je les épargne ? Voilà pourquoi il eût été tout naturel que vous prissiez cette somme comme je vous l'offrais. C'était la main droite qui la donnait à la main gauche. Vous ne l'avez pas voulu. Mais vous admettrez, n'est-ce pas, que je ne veuille pas moi que ce soit un autre qui vous rende ce service, votre mère ou moi. Votre mère ne peut rien pour vous, je reste donc seul. » Elle le regarda longuement sans parler. Alors, après quelques instants, il reprit, mais en changeant de ton et en parlant d'une voix douce et caressante, « Chère Henriette, depuis que nous nous aimons, vous m'avez, sans en avoir conscience, causé un chagrin de chaque jour. Un chagrin, ou plutôt, vous m'avez privé d'une joie que je désirais chaque jour et qui chaque jour m'a échappé. Je suis ainsi fait, et en cela je crois bien que je ressemble à beaucoup d'autres. Je suis ainsi fait que je n'imagine de plus grand plaisir que de procurer une satisfaction, que de causer une surprise joyeuse à ceux que j'aime. Eh bien, depuis que nous nous connaissons, j'ai vainement cherché quelle satisfaction je pourrais vous procurer, quelle surprise je pourrais vous causer. Vous connaissez tout. Il n'y a rien que vous désiriez. J'ai eu beau me creuser la cervelle, je n'ai jamais pu trouver un cadeau à vous faire qui vous donnât une véritable joie, et par là m'en donna une à moi-même. Heureux de votre contentement. Quel enfantillage ! Peut-être. Mais quoi de plus vif que le plaisir ou le chagrin d'un enfant ? Ce vif plaisir que j'ai si longtemps cherché, vous pouvez me le donner aujourd'hui. Il est vrai que ce sera dans des circonstances pénibles. Il est vrai que ce ne sera pas un plaisir pour vous, mais enfin, c'en sera un pour moi. Ne me refusez pas. » Elle se défendit longtemps encore, mais sans se laisser repousser, il la pressa si bien qu'il finit par obtenir non qu'elle acceptât sa proposition, mais au moins qu'elle ne la refusât pas d'une façon définitive, sans l'avoir examinée dans le calme de la réflexion. « Nous avons 8 jours devant nous, » dit-il. « Chaque jour, nous en reparlerons, et j'ai l'espérance que ce que vous avez tout d'abord rejeté vous finirez par l'accueillir, lorsque vous aurez vu qu'il n'y a que ce moyen de sortir de cette situation, pour vous aussi bien que pour moi, pour votre repos comme pour le mien, pour notre bonheur à tous deux. À demain. » Mais il n'attendit pas au lendemain pour revenir sur sa proposition et plaider à nouveau son acceptation. Qu'eût-il dit qu'il n'eût pas été une répétition et qui par suite ne fût affaibli? C'était sur la réflexion qu'il comptait, sur la solitude. Aussi, au lieu de rentrer chez lui en sortant de chez Madame de Lucilière, se rendit-il rue de la Paix, chez ses banquiers, où il prit une somme de 300 000 francs en 300 billets. Alors il revint chez lui, et prenant un livre relié du format des billets de 1 000 francs, il déchira toutes les feuilles de ce livre et les remplaça par les 300 billets. Cela fait, il enveloppa lui-même ce volume ainsi composé d'images bleues dans une grande feuille de papier qu'il ferma de plusieurs cachets de cire. Puis, ayant écrit sur cette couverture le nom de la marquise, il envoya Horace porter ce volume rue de Courcelles. « Tu demanderas à voir la marquise elle-même, et tu remettras ce livre entre ses mains. En même temps, tu lui diras « Retiens bien mes paroles. » Voici un livre que mon colonel, avant de partir pour Saint-Cloud, où il doit rester 3 jours, m'a chargé d'apporter à Madame la Marquise et de ne remettre qu'entre ses mains. Et tu t'en iras sans autres explications. » Ce n'était pas en effet sur des explications que le colonel avait bâti son plan, mais sur la curiosité, et finalement sur la tentation, pendant ces 3 jours d'absence qu'il s'imposait réellement. Horace acquitta exactement de sa commission. « Comment ? Votre maître est parti pour 3 jours ? » demanda la marquise. Il m'avait promis de venir me voir demain. Je ne sais pas, mais peut-être y a-t-il un mot dans le volume. Voilà tout ce que mon maître m'a chargé de dire à Madame la Marquise. » Madame la Marquise de Lucilière ne trouva pas le mot d'explication qu'elle chercha dans le volume, mais elle trouva les 300 billets. Elle écrivit au colonel. Le valet qu'elle envoya lui rapporta que le colonel était à Saint-Cloud. Le lendemain, on lui fit la même réponse. Ce fut le 3e jour seulement que le colonel se présenta à rue de Courcelles. Mais la marquise n'était pas seule dans son salon. Elle avait près d'elle le marquis et plusieurs personnes. « Eh bien, demanda le marquis, vous êtes-vous amusé à Saint-Cloud ? Mais oui, je vous remercie. » Puis, laissant là le marquis, il tendit la main à Madame de Lucilière, qui la prit dans la sienne et la serra fortement. « À propos, dit-elle en le regardant avec un sourire, j'ai reçu votre volume. » Elle fit une pause et le regarda. Il était pâle comme son linge. « Je l'ai dévoré, » ajouta-t-elle. Il respira. « Alors je ne me trompais pas en espérant qu'il vous intéresserait. »« Quel livre ?» demanda le marquis. « Un livre d'images, » dit-elle en riant. Non seulement elle avait accepté, mais encore elle en prenait gaiement son parti.